Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Délivrez-nous, le podcast animé par Dino et Bibiche. Bonjour Bibiche. Bonjour Dino. Est-ce que ça va bien? Bah oui, ça va bien et toi? Ce mois a été horrible. Oui, je sais, c'était un thème imposé extrêmement douloureux pour toi. Oui, tout à fait. J'ai été droit dans mon caleçon pendant plusieurs semaines. Puisque si vous vous rappelez l'épisode précédent, c'était le challenge lecture du mois de février qui consistait à lire, rappelle-nous Bibiche, un livre érotique. Ouais, youpi. Oh, fais pas celui que ça a pas, à qui ça a pas plu. Je prépare mentalement nos auditeurs, voilà, même si effectivement ce fut une lecture très plaisante. Au moins les trois premières pages. On aurait dû échanger les livres. Bien, tu parles d'échanger les livres. Donc, rappelons quand même que, un petit peu le concept de cette émission pour nos nouveaux auditeurs. Hein. Salut Francis. Oui, alors nous lisons des livres sur un thème imposé tous les mois. Et pour l'émission, on échange nos livres et on se pose des questions et on parle de ce qu'on a aimé ou pas aimé et on parle du bouquin en général. C'est ça. Et comme c'était le mois de Saint-Valentin, on s'est dit qu'on allait avoir une vie sexuelle peu débordante ce mois-ci. Donc du coup, voilà, autant s'émoustiller avec quelques lectures. Donc, petit rituel de début d'émission, j'ai ramené mon livre. J'ai ramené le mien. Tu as ramené le tien, on s'échange nos livres. Voilà, et on va commencer. C'est un plaisir. Avec le tien. C'est un plaisir de te débarrasser du livre. Oui, de... tout à fait. Non, mais il est très agréable au toucher. C'est vrai qu'il est très agréable au toucher. Il est limite... On va peut-être faire une petite pause parce qu'il est limite très sensuel. Alors, c'est un roman... non, c'est pas un roman, c'est une new romance. De Fleur Anna, qui s'appelle Feeling Good. Effectivement, très jolie couverture, hein, puisque c'est une silhouette noire sur fond jaune avec des arabesques colorées. Ça fait très feel good, roman feel good. Je trouve la couleur, les couleurs, les... Ce qui tombe bien, puisque le titre... C'est Feeling Good. Voilà. Feeling Good avec une espèce de petite phrase d'accroche. Donc, c'est publié dans la collection Blanche aux éditions Hugo Roman. C'est évidemment pas la première édition, puisque mes informations collectées sur les meilleurs sites internet. Oui, le du site monde, de l'auteur, quoi. Voilà. Non, d'autres sites. C'est en fait une réunion. Enfin, En fait, elle l'a écrit en plusieurs morceaux, en 8 parties. C'est une compilation. C'est oui, le mot compilation, compilation que je cherchais. En fait, elle l'a écrit à la base, ça s'appelle 8 mantras, et qu'elle a réuni en un seul et unique roman. Alors, je pense qu'ils doivent pouvoir être achetés en 8 parties, et moi, sans le savoir, j'ai acheté la compilation des 8 parties. C'est ça, à 17€. Donc, une petite phrase d'accroche sur la couverture du roman. Ne jamais coucher avec son assistant, encore moins en tomber amoureuse. Je ne vais pas lire le dos parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Non, mais la première phrase et la dernière phrase, ça peut être plus... Oui, alors, du coup, je prends la première phrase du premier mantra et la dernière phrase du dernier mantra. Oui, bah, c'est une histoire unique. Hein. Alors, mantra 1, c'est « Je ne boirai plus une goutte d'alcool ». Non, je suis désolé, mais non. C'est un mythe, cette histoire. Ça, c'était la première phrase. C'est accrocheur. Et en plus, tu as vu, je me suis amélioré dans la lecture. Oui. J'ai compris que j'avais des difficultés, du coup j'ai bu beaucoup avant cette émission. Voilà, là c'est les remerciements. Voilà, donc du coup, tu crois que tu peux me rendre ma culotte à l'occasion? D'ailleurs, ça m'arrangerait que tu me rendes ma culotte, Bibiche, à l'occasion. Tu portes des culottes, c'est pas plutôt ton caleçon que tu voudrais? Non, mais tu sais, la culotte que je mets le samedi, là. Oui, celle avec le petit espace sur le devant, le petit trou et... Alors, ça sera coupé au montage. C'est pas prévu qu'on en parle dans cette émission. C'est un thème érotique. Bon, alors, je vais pas déflorer le bouquin. Oui, en même temps, elle s'appelle Fleur, donc... Elle s'appelle Fleur. Ah, mais non, c'est... Tu vas pas l'effleurer. Tout à fait. Alors, bon, le résumé, visiblement, si j'ai bien compris, c'est une femme, moderne, le joli derrière. Hein, est-ce que tu veux que je fasse le résumé? Oui, bah vas-y, oui, soyons fous. Alors, c'est une femme moderne, effectivement, qui, à la suite d'un pari avec ses amis et un peu éméché un soir, se retrouve à aller allumer un mec en boîte de nuit. Et il se trouve que le lendemain, la même fille va au boulot, elle a un nouvel assistant et « Oh, bah ça alors, c'est le mec qu'elle a allumé la veille en boîte de nuit !» Ah, c'est Grey's Anatomy. Je sais pas, j'ai... Ah, mais t'as pas la ref. Et du coup, c'est l'histoire de leur relation. Au boulot et hors boulot. Alors, de leur relation, au singulier ou au pluriel, parce qu'on est dans la romance érotique. Les deux. C'est leur relation et leur relation. D'accord, tu veux dire donc qu'il y a plusieurs relations? Ils ont une relation professionnelle, ils ont une relation extra-professionnelle et ils baisent. Mon Dieu, elle a dit, il baise. J'ai honte. mais comment ça, il baise, Bibiche ? Bah oui, parce que... alors, je n'ai pas tout noté, mais je crois qu'en... Combien il y a de pages ? 280 ou 300 pages ? 300 alors, j'ai pages. Retenu le nombre de pages du mien. C'était très facile à retenir. Il y a 300 et quelques pages ? 349 pages. Bon, en 349 pages, ils doivent baiser une trentaine de fois. Donc, c'est un peu... Ça fait beaucoup, ça fait toutes les 10 pages. C'est ça, oui. C'est, ça fait une sacrée moyenne. Bah oui. Alors, bon, du coup... je vais pas cacher que j'ai vu un peu. On enregistre et on est le 27 février encore, puisqu'on enregistre un petit peu tard dans cette journée du 27 février. Toi, tu l'as fini il y a un paquet de temps. Oui, je l'ai lu en une semaine parce qu'en fait, j'ai eu très vite envie de m'en débarrasser très vite. C'est ça. C'est-à-dire que, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, moi, j'appréhendais un petit peu mon livre. Que vous connaissez normalement. Ah bon, c'est quoi ? Je ne te le dirai pas, c'est un secret. Toi, par contre, bah, tu y allais... Bouquin, je l'avais acheté l'année dernière parce qu'on avait déjà le thème livre érotique dans le challenge lecture de l'année dernière. Et ce que j'en avais lu au niveau des critiques, des commentaires, ça m'avait rendue curieuse. Et oui, j'y allais de bon cœur. Et en fait, j'ai très, très vite déchanté. Mais pourquoi donc ? Bah parce qu'en fait, c'est pas intéressant. Mais il baise, je comprends pas. C'est même pas. Alors, c'est même pas que. Alors, oui, il baise. Il baise tout le temps. Il baise en plein de positions, de plein de manières différentes. C'est parfois très cru, c'est parfois très vulgaire. Mais à la limite, ça, c'est rien du tout. Parce que s'il y a une histoire derrière, c'est intéressant. Mais là, quoi ? C'est ce que je pense. Je sais pas, je suis la. Le mantra 18, je suis l'arrêt du headbanging. C'est quoi le headbanging ? Je ne sais plus. Il y a head et il y a banging. Oui, bah, je m'en souviens plus. Ça c'est m'a banging pas avec la head, c'est possible ça ? Non, non, non, ça doit être un truc quand elle se met dans les cheveux. Non, ne fermez pas les yeux, chers auditeurs, c'est pas le moment. C'est ce que j'ai voulu dire. Mais ouais, non, le bouquin, il est pas intéressant parce qu'il n'y a pas d'histoire, il est très creux, les personnages sont creux. Je ne vais pas me faire une amie de Florana. J'ai cru comprendre qu'elle en avait beaucoup. Oui, visiblement, oui. Mais non, en fait, il y a des personnages secondaires qui sont introduits par moments et, et qui pourraient... Attends, est-ce que tu peux préciser le vocabulaire, s'il te plaît ? Il y a des personnages secondaires qui apparaissent par moments dans le livre et on se dit « Ah tiens, ça c'est sympa !» Et en fait, c'est même pas utilisé, c'est même pas creusé, il y a rien en fait. C'est juste une fille qui rencontre un mec qui l'allume dans une boîte de nuit parce qu'elle a fait un pari et qu'elle est complètement pompette. Et encore, je suis gentille, vu tout ce qu'elle a bu. Et qui, la prochaine journée de boulot... Elle n'est pas déchirée, ça, c'est page 59. Elle rencontre le mec, c'est son assistant. Et elle passe son temps à se dire au départ, « Oh là là, c'est mon assistant, il ne faut pas que je fantasme sur lui. » Et elle couche avec toutes les 10 secondes. Dès le premier jour, il baisse dans le bureau, il baisse dans le local à photocopieuse. Et toute l'histoire, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va avoir une relation ? Est-ce qu'on va pas l'avoir ? Je veux pas t'aimer ? Oh, je vais t'aimer ? Oh, finalement, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh bah oui, finalement, on va vivre ensemble, on est amoureux. Hein. D'accord, oui. Alors c'est vrai que là, effectivement, tu ne le vends pas très bien. Moi, j'ai pas envie de le vendre très bien parce qu'en fait, j'ai pas du tout apprécié ma lecture. Mais est-ce que déjà au niveau du style, au niveau c'est intéressant malgré tout ? C'est moderne. Oh, la tronche de la meuf quand elle dit ça. Qu'est-ce que tu entends par moderne ? Bah, ça pourrait être du langage parlé. C'est pas forcément de la grande littérature. C'est du langage parlé. C'est du langage de tous les jours que tu entends tous les jours autour de toi. C'est du vocabulaire de tous les jours. Est-ce que c'est drôle ? Oui, il y a eu 2-3 petits moments un peu drôles. D'accord. Est-ce que... Non, je m'en souviens pas. À part les 2 pages que j'ai cornées et que... Alors oui, tu as corné des pages. Est-ce que tu veux les lire ? Oui, alors attends, parce que... Je te laisse les lire, parce que moi, j'ai pas encore mon diplôme. Oui, et puis tu saurais pas à quel endroit il y a une phrase intéressante. Alors, on rappelle, il y a 249 pages. Et non, il y a donc y a 2 300... pages. 349. 349. Et donc, il y a 2 phrases intéressantes. Non, c'est pas intéressant. C'est juste qu'elles ont attiré mon attention au début, parce que j'en étais encore qu'au début, et je me disais, le livre peut révéler autre chose. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de corner des pages parce que ça servait à rien. J'ai juste noté la liste des pages où ils baisent parce qu'il y en avait beaucoup et je voulais me dire non, mais c'est pas possible, ils vont pas faire que ça. Oui, alors moi j'ai vu cette liste et effectivement, ils baisent beaucoup. Alors, page 38, non 36. On a peut-être dû prévenir les gens que cette émission serait un peu vulgaire. Alors attention, cette émission est pour les plus de 16 ans. Oui. 16 ans et plus, c'est bien. Alors attention, je vais lire un passage vulgaire. Elle est la patronne, lui, il est l'assistant. Elle est en train de lui dire qu'ils ne peuvent pas avoir de relation autre que professionnelle. Et il ne l'a pas écoutée. Et elle lui dit « Sandro, vous m'avez entendu ?» Et il répond « Pardon, j'étais en train d'admirer vos lèvres pendant que vous parliez. Et je me demandais quel effet ça me ferait si vous les mettiez autour de ma queue. Vous pourriez répéter ?» Ça, c'est tout le niveau du bouquin. Mais on est d'accord que c'est sa chef. Oui. Qui parle à sa chef comme ça ? Non, bon, toi... Moi, je parle pas à ma chef comme ça. Hein. Mais moi non plus, je ne suis pas en train de parler à ma chef comme ça. Oui, mais c'est parce qu'elle l'a allumé à mort en boîte de nuit. D'accord, ok. Ils se sont quand même un petit peu libres. Bah, ils se sont chauffés l'un l'autre. Ouais. Et alors, le deuxième passage, qui est aussi très révélateur du vocabulaire et du style dont pour lequel tu me posais la question, c'est... Alors... on va lire un petit peu plus quand même pour faire un petit peu de mise en situation. Oui, il faut mettre en valeur. Donc, ils sont au bureau, nous sommes page 52 et ils vont baiser à nouveau. Je n'ai pas besoin d'autre chose, ça sonne comme un nouveau rituel. Je répète les mouvements de samedi soir et une fois le préservatif en place, il me pénètre sans autre forme de préliminaire. De toute façon, mon vagin est tellement prêt qu'on dirait une piste de bobsleigh. Alors, j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est très évocateur. Mais c'est pas forcément très poétique. Alors, du coup, comment est-ce que tu classerais cet ouvrage ? Est-ce que tu penses qu'il est plutôt dans le new adult, le new romance, le young adult, le checklist, le paranormal, le romantique, le suspense, le young adult, la romance LGBT, l'urban fantasy et la women's fiction ? Parce que c'est visiblement tous les genres littéraires dans lesquels navigue l'auteur. Alors pour moi, ça fait qu'un seul. C'est juste des étiquettes différentes, mais... Oui, ouais. Pour moi, j'avoue que entre le new adult, le young adult, la romance machin, enfin c'est. Alors, pour moi, c'est un film de cul mis avec des mots. Enfin, c'est juste comme dans les films de cul. Attends, il y a pas d'image ? Non, il n'y a pas d'image, mais un film de cul, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que tu as le générique, et puis tout d'un coup, tu vois une fille, et puis elle va ouvrir la porte, et il y a le plombier qui arrive, et il baise. C'est exactement ça. Il n'y a aucune histoire. C'est juste un bouquin de cul pour les filles. Non, tu m'as dit avant que pendant tu as toute ta liste de les fois où il baise, même si ce n'est pas exhaustif. Oui, parce qu'au bout d'un moment, ça devient lassant. Il baise, puis à la fin, il faut l'amour. Oui, parce qu'à la fin, elle réalise qu'elle est amoureuse de lui. Est-ce que ça se sent que c'est... Alors, c'est toujours écrit en plusieurs fois, un roman, mais est-ce que ça se sent que ça a été au début saucissonné et que du coup, là, c'est rassemblé ? Non, ça par contre, ça se sent pas. Ça fait vraiment une suite logique. Je pense que c'est comme toutes les personnes qui écrivent. Enfin, c'est très actuel, le fait de partager ces textes sur des forums, sur des sites où tu partages en fait ce que tu écris en petits morceaux. Enfin, moi, je l'ai fait aussi. Oui, tout à fait. On fait tout ça de faire des histoires feuilletonnantes, en fait, pour donner envie à nos lecteurs d'avoir la suite. Mais dans le texte, il se suit, il y a une unité. Et de ce côté-là, non, de ce point de vue-là, c'est un roman entier. Alors, c'est très compliqué parce que j'aimerais rebondir. Tu sais que je suis très rebondissant. j'aimerais, boing, boing. Mais en fait, l'image que tu me renvoies, c'est un peu l'image de... J'ai l'impression, de ce que tu me dis au début, je me dis, c'est une partie de l'émission où ça va meubler pendant 30 secondes, parce que je ne sais pas faire une phrase, mais je ne sais pas lire. Donc du coup, ça complète l'émission d'abord. De ce que vend le bouquin, c'est effectivement une femme moderne. Tu t'attends que ce soit quelque chose de moderne. Et j'ai juste le sentiment que c'est une espèce de pastiche effectivement de film porno où on aurait le mec qui baisse tout le temps sa secrétaire. Et là, en fait, c'est la modernité. C'est juste inversé. C'est inversé. C'est la fille, parce que c'est la fille qui est l'héroïne. D'ailleurs, je me souviens, oui, c'est écrit à la première personne. Donc, c'est elle est dans une boîte et elle baisse son assistant. D'accord. Tout le temps. La photocopieuse. Entre autres. En plus, les scènes de sexe, elles sont hyper courtes. Enfin, elles tiennent en deux paragraphes. Bah, il est peut-être éjaculateur précoce, ce jeune homme. En tout cas, elle est mouilleuse précoce parce qu'il suffit qu'elle le regarde pour être prête. Si on m'avait dit un jour que ma femme ferait un podcast où elle dirait « elle est mouilleuse précoce ». Mais je me mets au niveau du bouquin. C'est le langage, c'est le vocabulaire du bouquin. D'accord. Ouais, donc c'est quand même un vocabulaire très cru. Ah oui, c'est très cru. D'accord. Mais à la limite, ça ne me choquerait pas si ça tenait la route derrière. Je veux dire, il y a des personnages qui sont intéressants. À un moment donné, il y a le personnage du frère de l'assistant, qui est un mec méchant, qui a mauvaise influence, il lui dit de se méfier de lui et tout. Et on s'attend à ce qu'il ait une place dans le bouquin. Bah, en fait, non. D'accord. Donc, si tu devais donner une note sur Babelio, ça serait... Ah, sur Babelio, j'ai donné la formidable note de 1 étoile. Et encore, c'est parce que, voilà, c'est la note... À partir du moment où je vais jusqu'au bout, ça mérite au moins ça. Donc, aucune curiosité pour aller voir d'autres textes de l'auteur? Ah non, non, non, très sincèrement, je... Non, non. Ou alors, il faudrait m'offrir le bouquin et que je sois incapable de résister, parce que quand on met un bouquin sous le nez, forcément, je plonge dedans pour voir ce que c'est. C'est mais même quand c'est nul... Si l'auteur m'offrait un livre pour que je fasse une critique positive, je le lirais, mais je ne promets pas la critique positive après. Non, franchement, j'ai pas du tout aimé. Après, c'est peut-être juste moi qui n'accroche pas sur ce genre de roman. Je veux pas... il en faut pour tous les goûts. De ce que moi, je vois quand même de... Parce que bon, quand on prépare cette émission, on regarde un petit peu le livre de l'autre. Oui, voir histoire un peu... de savoir de quoi ça parle et de poser les bonnes questions. Moi, en fait, j'ai pas trop de questions à dire aussi parce que, effectivement, quand je suis allé voir les critiques, j'ai assez peu finalement de critiques mauvaises. Mais par contre, je sens bien que dans les critiques, comment dire, c'est bienveillant pour ne pas dire complaisant. Bah, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu vas sur le site de l'auteur, la première chose que tu vois en arrivant, c'est devenez VIP. Oui, on sent qu'il y a vraiment une communauté et que c'est un... Moi, si je vais sur le site d'un auteur, la première chose que je veux, c'est connaître les bouquins qu'il a écrits, connaître un peu sa biographie, son univers. J'ai pas envie de devenir lecteur VIP. Mais alors du coup, moi c'est la question que ça me pose, parce que c'est aussi une auteure, effectivement, quand on va sur son site, qui écrit beaucoup. Alors on est en train de faire le procès de cet auteur, les coups de fleurs. Nous, on est juste là pour lire ton livre. Et en plus, tu nous as même pas demandé de le lire. Alors calme-toi. Mais effectivement, elle écrit beaucoup, elle est assez jeune, hein, je pense qu'elle a une petite trentaine. Je me souviens plus, ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Elle a mon âge, on va dire. Une petite trentaine, oui. Et du coup, j'ai oublié ma question. Mais oui. Elle est jeune, elle écrit beaucoup. Est-ce qu'au final, au même titre que c'est finalement difficile d'inventer un film de cul, enfin, je pense qu'on a tous plus ou moins regardé un film érotique, on ne peut pas dire que ce soit le genre, même si je pense qu'il y a des innovations, il y a des réalisations et des pattes, mais bon, bah, ça reste quand même des trucs assez classiques à tourner. Est-ce que aussi on n'est pas face à quelque chose où, dans la littérature érotique, il y a aussi cette tendance, il y a plus aujourd'hui de clientèle, plus de demandes que véritablement d'offres. Et donc l'offre, bah, elle n'est pas forcément très qualitative. Et de toute façon, elle n'est pas forcément très variée parce que, oui, faire du sexe sur l'écrit, c'est compliqué. Ouais, mais j'ai lu d'autres bouquins érotiques et je ne me suis pas autant fait chier. Érotique et eschatologique. Bravo. Tu me diras, dans mes jeunes années, j'ai lu Le Marquis de Sade. Ouh. Je sais plus quel bouquin, c'était même pas à moi, on me l'avait prêté et je me suis pas fait chier en le lisant. D'accord. Donc là, on est à... on le met dans une boîte à livres. Après, j'ai toujours du mal à me séparer d'un livre que j'ai lu, mais celui-là, je pense que je me ferai une raison. Je pense que ça va être la nouvelle question. On le met dans une boîte à livres ou pas? Ah oui, oui, voilà. J'ai pas envie... Très clairement, j'ai pas envie de le relire. Donc, il faut bien retenir du coup que vraiment la qualité essentielle de cet ouvrage, c'est son édition avec sa couverture un petit peu veloutée. Moi, par contre, la couverture, elle est très chouette. Moi, j'aime beaucoup la couverture. Est-ce que c'est agréable à tenir? Oui, parce qu'en fait, c'est un contact très... c'est velouté, en fait, est-ce que ça a un impact sur la lecture ou est-ce que vraiment non? Non. Non. Non, ça ne s'ouvre pas. J'aurais vraiment tout fait pour qu'on tienne plus de 20 minutes sur ce livre. Je savais qu'on tiendrait en plus un peu plus longtemps sur l'autre livre. Oui, tu avais vu ma réaction à la lecture du bouquin, que ça, ma critique serait très, très rapide et très... Oui, j'ai senti des... Oh, mais non, mais... Oh, mais encore. Oh, mais non. Oh, encore. Non, mais c'est pour dire quand même. Ah, j'attendais que tu lises la liste. Je vais faire une... Alors, le début est plus... C'est plus vers la fin que je ne les ai pas tous mis. Donc alors, je vais pas surtout, tout à ce niveau-là, dites aux enfants d'aller se coucher. Oui, et puis alors, si vous avez l'intention de lire le bouquin, n'écoutez pas, parce que je vais vous spoiler toute l'histoire. Donc, le bouquin commence page... Parce que des fois, ça ne commence pas à la page 1, donc pour dire à quel moment... Ça commence page 7. Donc, page 29, il l'a fait jouir avec 3 doigts dans son bureau. Page 39, elle le suce à la photocopieuse. Page 47, il la baise dans une ruelle. Page 52, il la baise assise sur son bureau à lui. Page 56, elle le baise allongé sur la moquette du bureau. Page 71, il lui lèche les seins pendant qu'elle se masturbe au bureau. Page 93, il lui fait l'amour chez lui. Elle a les yeux bandés. Ah, là, on a un petit moment. Page 121, il la fait jouir avec les doigts sur le palier devant chez elle. Page 125, il lui fait l'amour chez elle sur le tapis. Page 131, enfin un truc intéressant. L'ancien amant. Ah non, même pas. Ça, c'est un autre personnage qui aurait pu être intéressant. On apprend que lui, en fait, il a eu une expérience homosexuelle parce qu'il a voulu tester. Et il y a l'ancien amant qui arrive. Et bah non, en fait, c'est peut-être la seule péripétie qui soit un peu digne d'intérêt parce que du coup... Mais du coup, c'est peut-être ça aussi qui est lié au fait que ça a été fait en plusieurs épisodes, un peu comme une série, c'est qu'elle ouvre des potentiels trucs, un peu façon cliffhanger, et puis au final, derrière, ça ne se concrétise pas parce qu'elle passe à autre chose, et puis... Bon, après, il y a les personnages qui restent. L'ancien amant, on le voit pendant un certain temps, c'est juste que c'est pas forcément très creusé. Donc, je continue ma liste. Oui, oui, bah vas-y, fais-nous profiter alors, de cette aventure. Et puis, ça t'amuse que je dise des gros mots. Oui. Je réécoute l'émission de ta mère. Ah, Page 168, il la baise vite fait dans sa chambre à elle. Page 175, il baise à l'entrée de chez elle. Page 193, ils font l'amour au lit après une engueulade. Page 198, ils font l'amour sur le lit le matin. Page 214, elle le suce dans une ruelle. Page 233, sexphone. Page 237, sexphone. Non, bah, c'est parce qu'ils sont séparés, ils font l'amour au téléphone. D'accord, okay. Donc lui, il se branle de son côté et elle se caresse de son côté. Et pourquoi on a commencé par toi? Mais après, tu verras, ce sera poétique. Donc, page 237, ils font l'amour dans la salle de bain. Page 252, elle jouit avec le vibro aux toilettes. Page 263, il la fait jouir au volant. Page 266... C'est pas bien, ça. Non, parce que c'est dangereux. Mais bon, à un moment donné, je crois que je ne l'ai pas noté, mais elle le suce pendant qu'il est au volant, donc c'était pour lui montrer. Oui, c'est ça. Donc partout, ensuite, page 267... T'as dit quoi? Partout, la balle au centre. Page 266, elle lui fait l'amour dans la voiture. 291, il baise dans les toilettes du bureau. 311, plan à trois imaginaire. Page 319, ils font l'amour dans la cuisine. Et page 348, il baise à la mairie. Ah, juste devant le mariage. Oui, mais pas le leur. Merde. Ça finit même pas romantique. Bon, bah voilà, en tout cas, c'était. Bonne lecture à ceux qui veulent lire. Voilà, on ne citera pas l'ouvrage. Mais vous retrouverez tout ça en note. C'est Feeling Good de Fleur Anna. Vous retrouverez tout ça en note du podcast. Yes. Cette femme est méchante. Bon, est-ce que tu veux qu'on parle d'un livre plus intéressant? Oui, bah, je me suis fait chier à le lire, autant se faire chier à en parler. Oui, bah, si tu sais, si tu fais comme moi, ça va durer 10 minutes. Hein. Alors, non, même les auditeurs qui me connaissent savent que ce n'est pas possible. Bon, alors, pour parler de ton livre qui va être, oh mon Dieu, une grosse surprise, tu as lu 50 nuances de Grey de E.L. James. Je fais ça avec l'accent anglais. Un livre de 666 pages. Tout à fait. C'est un bon nom. 666 pages. Donc, alors, c'est un collection livre de poche. La couverture. C'est très con parce que 666 pages, jamais de la vie, ça rentre dans une poche. Il faut une grosse poche. Grosse poche. Voilà. C'était ma petite réflexion littéraire du jour. C'est un bouquin tout en nuances de gris sur la couverture. Un peu de bleu. Un peu de bleu aussi. C'est une cravate. Et c'est une cravate, effectivement. Alors qu'il n'est pas notaire. Motif. Il n'est pas notaire. Il n'est pas notaire. Ah, j'avais compris, de terre. Donc, c'est un gros plan sur un nœud de cravate dans des tons gris-bleu. Et pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de 50 nuances de Grey, ça raconte l'histoire d'une jeune fille innocente qui rencontre un homme qui l'est beaucoup moins. Oui, c'est l'histoire d'Anastasia Anastasia Steele, la fille de Remington Steele. Anastasia Steele qui effectivement sa meilleure amie est journaliste dans le journal, c'est son boulot journaliste, c'est des journalistes dans un journal, dans le journal de son université, et puis bah c'est Kate, elle est malade et donc du coup c'est pas de chance, elle doit interviewer Christian Grey qui a 27 ans même s'il en paraît avoir 72 voilà, qui est un jeune homme qui a connu une petite réussite financière, apparemment dans une famille quand même bien installée, mais lui-même connaît une belle réussite financière, puisqu'il est très riche, il est multimillionnaire. À 27 ans, c'est bien. Voilà. Et donc, du coup, Kate demande à Anastasia d'aller interviewer à sa place Christian Grey. Elle lui a préparé des questions, dont la question « Est-ce que vous êtes gay ?» Voilà. Et c'est comme ça qu'Anastasia rencontre Christian et que Christian rencontre Anastasia. Alors, Christian, il est beau gosse ? Oui. Il est beau gosse. Hein, il est riche. Oui. Il a une Audi. D'ailleurs, il aime beaucoup les Audi. Et il lui propose de se revoir pour signer un contrat. Et il commence d'abord par lui demander de signer un contrat de confidentialité, puisque oui. Ce qu'il va lui dire, il ne peut rien dire d'autre. donc, c'est très intriguant, dis-moi. Elle le signe, évidemment, parce qu'elle se dit « Ouh là, non, je vais apprendre des choses, mais je ne pourrais pas le dire. » Et puis en même temps, elle est un petit peu excitée quand même, parce qu'il lui plaît bien, ce garçon, il est mignon. Et puis, au risque de déflorer un petit peu, pour le coup, vraiment le contenu, elle n'a pas vu le loup encore. Donc du coup, elle se dit « Peut-être t'es moyenné. » Et là, il lui apprend... Il lui apprend que en fait, il aime bien quand c'est un petit peu violent. Oui, on va dire ça comme ça. Il y a un moment très drôle, c'est pour montrer un peu comme l'innocence d'Anastasia. Hein. Anastasia lui, enfin, il lui dit, attendez, je vais vous montrer ma salle de jeu. Et là, elle dit, oh, vous allez me montrer votre pièce avec votre Xbox. Tu fais tellement bien, Anastasia. Et donc, du coup, je vais quand même lire un petit extrait, hein, parce que je me suis entraîné. Tout ça a été répété à l'entraînement. Je te promets, je n'aurai pas de fou rire cette fois-ci. Non, mais merci, femme. De toute façon, je te scotche la bouche. Voilà, j'ai mis du scotch. Un martinet ? Bon, d'accord. En fait, je crois que je suis en état de choc. Soit ma conscience s'est fait la belle, soit elle a été frappée de mutisme, ou alors elle est tombée raide morte, les quatre fers en l'air. Je peux observer, absorber, mais pas définir ce que je ressens. Comment est-on censé réagir quand on découvre qu'un amant potentiel est sadomasochiste ? J'ai réussi à le dire du premier coup. La peur ? Oui, c'est apparemment le sentiment qui prédomine en moi. Mais ce n'est pas de Christian que j'ai peur. Je ne pense pas qu'il me ferait du mal. En tout cas, pas sans mon consentement. Mais tant de questions se bousculent dans ma tête. Pourquoi ? Comment ? Quand ? Avec qui ? Je m'avance vers le lit pour caresser l'une des colonnes de baldaquin très solide et d'une facture remarquable. On est à la page 140. À ce moment-là, ils n'ont pas encore baisé. Tu as de la chance. Oui. Autant dire que, bon, toi, tu avais fini ton bouquin que j'étais à peine arrivé aux pages 140, et quand tu m'as dit qu'ils avaient baisé à peu près 50 fois, moi, je fais pas, merde, putain, pour toi, c'est 50 nuances de Grey, il paraît que ça parle que de cul. Et en fait, bah non, pas du tout. C'est... Bah, disons que c'est mieux amené. Oui, et puis les scènes sont plutôt sympas. J'en ai gardé un souvenir un peu émoustillé, parce qu'il faut qu'on vous avoue, chers auditeurs, que bah, ce livre-là, normalement, c'est des livres qu'on n'est pas censé avoir lus, mais celui-là, bah, je l'ai lu. Oui, c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas choisi, j'étais un peu feignant, soyons honnêtes, j'étais un peu feignant. Moi, le truc érotique, ça ne m'attirait pas trop. C'est pas type... En fait, je craignais de lire ce que toi, tu as lu. Oui. Et ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, il faut qu'un livre m'enrichisse. Si c'est pour lire un film, pour voir un film de cul... Je vais sur YouPorn et oui, c'est bon. Oui, puis à la limite, c'est plus sympa en image. Hein. Franchement, un livre érotique, c'est censé t'émoustiller un peu à la lecture. Oui. Bah, moi, ça pourrait être le cas. Hein. Mais non, ça n'arrête pas. Non, puis c'est pas émoustillant quand ils font ça en trois paragraphes. Oui, toi, c'est vrai. T'as la montée. Enfin, ouais, tu 3, sens pages, qu'il y a de la montée, toi. Et donc, que dire sur ce livre ? Je ne sais pas. C'est toi qui poses les questions, femme. Alors, pose les questions. Bah, qu'as-tu pensé de ce livre ? Eh bah, c'était très est-ce bien. Est-ce que tu as été déçu comme tu le craignais ? Non, alors j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce qu'effectivement ça démarre mollement. Moi je me suis dit c'est un film de cul, donc ils vont baiser, page 20, ils baisent. Et non, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Et puis en fait, quand même curieux, puis c'est le côté challenge aussi qui fait que j'y vais. Je suis rentré dedans. J'ai beaucoup apprécié, d'abord dans le style, on est évidemment dans la narration de Anastasia, on est dans la tête d'Anastasia, donc on voit. Tout ce qu'on s'attend à voir d'une femme dans sa tête, c'est le bordel. C'est comme dans son sac à main. Cette partie sera pleine de clichés. Ça, c'est pas vrai. Dans mon sac à main, il n'y a que du vide. Oui, c'est vrai. Plein de bordel autour. mais voilà, on a ses pensées. On a son bon génie, son mauvais génie. On voit ce qu'elle pense, en fait, de Christian. On voit aussi, dans ce qu'elle pense de Christian, on voit qu'elle cerne un peu le côté... il est un petit peu autoritaire. Ah bon ? Il est un petit peu sombre et en même temps ça l'attire un peu, elle est curieuse. Puis oui, mais en même temps c'est une femme, les femmes sont toujours attirées par les hommes ténébreux, sombres, un peu c'est mystérieux, ça. Un les peu mecs... dangereux limite sur les bords. Ouais, les mecs qui sont Marc Verber mais qui n'ont aucun charisme. Et ça, c'est le petit tacle personnel. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, le divorce est prévu pour la semaine prochaine. Oui, c'est vrai que dans la vraie vie, je préfère les hommes qui sont roux. Alors... Alors, bon, est-ce qu'on pourrait revenir à Anastasia Asti, s'il te plaît ? Tout à fait. Moi, j'ai été très agréablement surpris. D'abord, pour le style, c'est pas mal écrit, c'est pas transcendant, mais ça se lit très bien, c'est très facile à lire. Les scènes de cul sont pas trop nombreuses et en même temps sont bien écrites, bien amenées. Il y a une belle progressivité. Et en fait, du coup, ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que on n'était pas dans le jugement. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé... moi, j'ai pas forcément d'a priori sur le sexe sadomasochiste. C'est pas mon truc, mais à la limite, si on m'y invite, pourquoi pas. À la limite, ce qui est bien expliqué dans le bouquin, c'est qu'en fait, c'est un contrat entre deux personnes qui sont consentantes. C'est ça. À partir du moment où les deux sont consentantes, que c'est qu'il y a les limites qui sont posées dès le départ et que s'il y en a un des deux qui tout d'un coup ne veut plus aller plus loin, il y a un moyen de mettre fin tout de suite avec les fameux mots d'alerte. Genre là, le mec est en train de te frapper à coups de martinet et tu dis, c'est quoi la couleur déjà qu'il faut que je dise quand je commence à être un petit... c'est jaune. Jaune. Alors le mec, il sait que c'est jaune, il se dit « Ouh là, attention, là, ça commence à avoir un petit peu mal. » Mais il continue quand même. Hein, elle a dit jaune, mais elle n'a pas dit rouge. Donc du coup, je continue. C'est moutarde et ketchup. Et elle a dit moutarde, mais elle n'a pas dit ketchup. Donc du coup, je continue à y aller fort quand même. Et c'est là quand ça devient quand même... c'est... quand elle dit rouge, rouge, rouge, là, il faut que je m'arrête. C'est quand même, ça peut être très pervers. Ouais, mais c'est consenti par les deux. Mais voilà, ce que j'ai trouvé très intéressant, en fait, justement, c'était ça. C'est-à-dire que moi, je m'attendais effectivement à voir un truc, une romance, mais où il y aurait du sexe hardcore, etc. Et je me disais, qu'est-ce que je vais y gagner ? Et en fait, ce que j'ai gagné en lisant le bouquin, c'est on m'a amené, en fait, à découvrir ce que c'est qu'effectivement le sadomasochisme. Oui, c'est pas un mot facile à dire. Oui, dis-le 10 fois de suite. Ça vite. Non, mais non, je vais arrêter. Sinon, je vais décéder. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans comment est-ce qu'ils vont se conquérir, mais comment est-ce que cette fille qui n'a aucune expérience sexuelle tombe sur un mec qui certes est beau comme un dieu, mais lui a une petite expérience sexuelle. Et comment, en fait, est-ce qu'elle, elle va progresser vers ça ? Comment est-ce qu'il va réussir à la convaincre ? Et du coup, comment est-ce que eux deux négocient les termes du contrat ? Qui va leur permettre d'avoir cette relation épanouie. Et c'est tout l'enjeu du bouquin. Et moi, c'est ce que j'étais intéressé. C'est que, effectivement, à chaque fois, le roman se déroule sur 3 semaines. Ils ont eu plusieurs fois. Ils font l'amour plusieurs fois. Parce qu'évidemment, avant de y aller à coups de martinet, il faut quand même qu'il lui donne un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemble quand on fait vraiment l'amour. C'est difficile de dire « je ne veux pas faire ça et ça » si tu ne connais rien au sexe. C'est ça. C'est, en fait, oui, ça, je ne sais pas faire. Alors attendez, parce qu'on a un chat qui gratte. Le chat, tu pourras arrêter de gratter. Si on l'a. C'était le chat. Il est très sympathique. Mais je ne sais plus ce que je disais du coup, Bibi. Tu disais que ça se déroule sur 3 semaines. Ça se déroule sur 3 semaines. Et sur 3 semaines, il y a plusieurs moments où tu te dis mais est-ce qu'ils vont le signer, ce contrat ? Et en même temps, ils ne le signent pas jusqu'à la fin. Je vais garder un peu de suspense. Ils ne le signent pas, mais c'est tout l'enjeu, en fait. C'est comment est-ce qu'elle en vient peu à peu à découvrir ce que c'est, à se faire à l'idée. Évidemment, elle, tout du long du bouquin, elle est tiraillée entre le fait que, bon, ok, il a des penchants sadomaso, mais c'est un peu, c'est le complexe de la prostituée. Enfin, c'est le syndrome de la prostituée. Il y a cette fameuse image, c'est que un mec qui couche avec une pute, forcément, il veut la sauver. Il veut la sortir de son milieu. Ça se trouve, elle ne demande rien. Là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle, elle est dans une posture où elle se dit, oh, je vais coucher avec un sadomaso, je peux peut-être le sortir de ce milieu. Oui, je comprends. Et donc, du coup, il y a ça qui traîne. Et comment tu vois, comment elle va évoluer, mais surtout aussi, comment lui va aussi effectivement évoluer et se rapprocher. Oui, parce que finalement, leur relation, elle est... Alors, soit il y a un chat qui est en train de faire des cochonneries derrière cette porte. On va faire une petite pause. On va aller engueuler les chats et on revient. J'ai vu une fusée. Ils seront moins chiants la porte ouverte. Faudra couper, c'est tout. Non, ça sera laissé au montage. Donc du coup, après cet épisode, fais-le. Je disais que je ne sais plus ce que je disais. Eh ben, les gens réécouteront. Attends, j'essaye de me souvenir de ce que je disais. Tu couperas à ce moment, je rembobine. Oui, je disais qu'en fait, leur relation, ils font tous les deux des compromis. Elle n'y connaît rien, mais elle va vers quelque chose qui ne l'attire pas de prime abord. Mais lui, de son côté, il accepte d'avoir une relation avec une personne qui n'est pas du tout le lui, il a l'habitude d'avoir des relations avec des femmes qui sont expérimentées et qui sont elles aussi dans le sadomasochisme, qui sont soumises. Lui est le dominant, elle, il a l'habitude, donc il va vers quelque chose qui est aussi inconnu pour lui que elle va que c'est le cas pour elle. Et c'est ce qu'il lui dit à un moment donné, c'est que il lui dit que au final, celle qui a véritablement le pouvoir, la personne qui a véritablement le pouvoir dans cette relation sadomasochiste, parce qu'évidemment lui il est le dominant et il veut en faire sa soumise, avec toutes les questions que ça peut poser sur la femme soumise, etc., qui est un petit peu évoquée quand même, parce qu'elle est un petit peu, pour le coup, elle est un peu moderne. De ce que tu me lis là, sur Feeling Good, ça n'a pas l'air moderne. Elle est quand même un petit peu une jeune moderne. C'est donc, une jeune femme de son époque. Mais qui pas non plus... Enfin, l'idée d'être soumise pour le plaisir sexuel, ça l'emmerde pas. Quoi. Bah, en fait, c'est que dans le sadomasochisme, à la limite, la soumission sexuelle, c'est un jeu. C'est un jeu de rôle. C'est ça. C'est un jeu de rôle où les deux satisfont leurs besoins et trouvent du plaisir et s'épanouissent dans cette relation. Ça n'a rien à voir avec une femme qui est soumise... de force par un homme. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup on sort un peu des clichés. Alors même si pour ce faire, l'auteur utilise de beaucoup de clichés. Évidemment, Christian Grey, il est beau comme un dieu. Évidemment, il est riche. Il est très riche. Évidemment, il a une Audi A8 comme tout le monde. Et il se déplace en hélicoptère comme tout le bien monde. Bien sûr. Tout ça, ça fait bien à la premier télé. Premier petit rendez-vous, viens, je t'emmène dans mon hélicoptère survoler Seattle. Mais en même temps, du coup, je pense que c'est fait exprès parce que au moins c'est réconfortant. On est habitué effectivement à ce que les romances un peu, les romances, c'est le truc à l'eau de rose, c'est souvent dans les milieux un peu snob et bourgeois. Là, tu dis ok, on est dedans et ça fait un petit peu ce contraste. Alors après, c'est vrai que t'imagines mal Jean-Michel Masson inviter Monique et dire écoute Monique, là si tu veux j'ai ma chambre, c'est moi qui ai fait les parpaings et tout. T'as vu, c'est bien, c'est du beau boulot. Hein. Là, les chaînes, c'est pour les chaînes quoi. Non. Même si ça se trouve, Jean-Michel Masson, il a un truc comme ça. Mais là, ça passe mieux. Bah, ça fait moins fantasmé, quoi. Et surtout, ça permet, je pense, pour elle de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire effectivement cette découverte. Elle nous partage cette découverte de ce que c'est que le sadomasochisme. Et effectivement, lui ne connaît que ça. Et comment est-ce que lui va avancer, pas vers le sexe vanille, mais vers une relation plus sérieuse. Parce que jusqu'à présent, ce qui n'a pas marché pour lui, c'est que toutes ses soumises, elle voulait plus. Et là, il tombe sur une fille qui veut plus que du sadomasochisme. Elle n'est pas contre de se faire fesser tendant. Elle lui prouve même un petit peu de plaisir, même si sur la fin, ce n'est pas terrible. Mais elle n'est pas contre. Elle veut bien essayer, mais elle veut plus. Elle veut dormir avec lui. Lui ne dort pas avec personne. Elle veut le toucher. Elle veut pouvoir le regarder quand ils font l'amour. Lui, il ne veut pas. Et c'est ce qu'il lui dit à un moment donné. C'est que finalement, dans cette relation, celle qui a le plus de... Je repique sur ce que je disais à un moment donné. Le pouvoir. Celle qui a le plus de pouvoir, c'est finalement elle. C'est la soumise, parce que c'est elle qui fixe les limites. Et c'est là où on revient, en fait, je pense, à la découverte. Alors, je sais que le dernier tome, le dernier chapitre du dernier tome, s'il y a trois tomes, attention, moi, j'ai lu que le premier. Je lirai que le premier. Mais le dernier tome, c'est la rencontre vue par Christian Grey. Il faut que tu saches, parce que j'ai regardé tout à l'heure sur la page Wikipédia de l'auteur, et elle a écrit deux autres romans qui s'appellent Grey et Darker, qui sont... la version de Christian Grey. Ça m'intéresse. Je ne le savais pas, parce que sinon je les aurais achetés. Et du coup, oui, il y a le moment de la rencontre vu par Christian Grey à la fin donc du troisième bouquin. Tu ne l'as pas lu ? Je ne l'ai pas lu. Je voulais faire cette émission avant, mais j'irai le lire. Et je pense qu'en fait, il l'a choisi aussi pour ça. Il l'a choisi parce qu'il sent que c'est quelqu'un qui va lui résister. Et après tout, le sadomasochiste, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui peut soumettre, mais qui ne se laisse pas soumettre facilement. Non, parce qu'il y a aussi... Ça rentre dans le jeu, ça. C'est ça. Donc, du coup, au final, comme beaucoup, j'ai joué de « Ah, mon Dieu, je vais souffrir », alors qu'en fait, non, la lecture a été assez agréable. Je l'ai lu assez rapidement. J'ai notamment lu les 250 dernières pages en une journée le week-end dernier. Voilà, faut dire que j'étais pris par la fin, qui m'a été un grand choc. J'étais vraiment très triste sur la fin. Et ça se finit, effectivement, donc comme je le disais, pour révéler un peu la fin, parce que, soit vous l'avez lu, soit vous ne le lirez pas. Oui, alors sinon, vous avez vu le film. Vous avez vu. Non, ne faites pas ça. Mais Sur la fin, ça se finit au final par un moment où Christian dit à Anastasia, mais de toute façon, on n'a plus besoin de signer le contrat il est caduque, parce que dans les faits, toi tu veux plus, et je te donne déjà plus, je t'aime, je dors avec toi, enfin il ne lui dit pas je t'aime, mais je dors avec toi, je fais ma vie avec toi, donc tu as déjà plus que ce que j'ai donné à n'importe quelle soumise, et toi en fait, aujourd'hui, tu fais déjà des choses qui me plaisent. Bon, ça ne va pas se finir bien, parce qu'elle a bien conscience aussi que c'est pas suffisant. Que Christian, il aime quand même quand c'est un petit peu hardcore. Hein. Donc du coup, il aime bien quand c'est des fessées à coups de ceinturon. Et elle, elle aime pas trop ça. Et elle prend conscience que effectivement, bah oui, malgré tout, à terme, ça va quand même être ça leur relation. C'est que aujourd'hui, ça lui satisfait, relation, mais hein. Est-ce que ça lui satisfera toujours? Est-ce que cette position, ce que je t'ai décrit un peu, parce qu'on a quand même pas mal parlé déjà avant, mais c'est effectivement c'est l'idée de se retrouver tous les deux au milieu du pont. Au final, c'est pas une fille qui découvre le sadomasochisme, c'est les deux qui vont se retrouver au milieu d'un pont pour faire leur vie commune. Alors c'est une superbe allégorie finalement de la vie de couple. Oui, parce que chacun fait des compromis pour voilà, aller vers l'autre. C'est un peu par l'extrême, mais je trouve que c'est cette lecture-là, en tout cas moi j'ai voulu en faire et que j'ai trouvé plutôt sympa. Après, on a regardé le film. Oui, parlons du film que nous n'avions vu ni l'un ni l'autre et que nous avons donc découvert le week-end dernier, non ? Oui. Tout est moustillé, convaincu qu'on ferait l'amour pendant 3 heures après avoir vu le film et puis en fait, non. Non, en fait, on a juste parlé pendant 3 heures après en déshabillant le film, en fait. Alors bon, il faut savoir qu'on a, sur les adaptations au cinéma, on a, je pense, des attentes qui sont assez différentes. C'est-à-dire que toi, tu es quand même très marqué par les bouquins. Donc... Bah, l'avantage, c'est que ça, c'est un bouquin que j'ai lu il y a au moins plus de 5 ans. Oui, mais de manière générale, quand tu as une adaptation au bouquin, tu es plutôt à essayer d'être attentive. Oui, j'avoue que je suis très chatouilleuse au niveau des adaptations en film, parce que les bouquins, il y a des choses auxquelles je tiens et il y a des fois où je ne comprends pas l'intérêt de changer un événement qui se passe dans le bouquin au cinéma. Je vois pas d'intérêt. Il y a des fois où ça se justifie, mais il y a des fois où franchement on se demande pourquoi. Là où moi j'ai une position qui est plutôt de dire que le bouquin c'est une autre version de l'histoire, c'est une autre vision de l'histoire. Donc je suis plutôt effectivement, quant à la fin du Seigneur des Anneaux, il n'y a pas le sac de la Comté. Ne me lance pas là-dessus. et donc du coup. Le Seigneur des Anneaux sans le sac de la Comté, c'est pas normal. Oui, je sais. Mais on s'en fout. Mais du coup, là, pour le coup, on a tous les deux vu le film et je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que le film n'est pas nul. Non, le film n'est pas nul. Simplement, le bouquin, ce n'est pas un bouquin qu'on peut transposer en film de manière facile. Le bouquin, c'est on est dans la tête d'Anastasia. On est vraiment dans sa tête avec ses pensées à tout bout de champ. Et autant il y a des films où ils arrivent à transposer ça, autant là, le film... autant dans le bouquin, en fait, on est acteur de l'histoire. Dans le film, on est spectateur et on n'a ni le point de vue de l'un ni le point de vue de l'autre. Et du coup, ça devient froid. Alors que le bouquin, il n'est pas froid du tout. On est vraiment dedans. Et c'est ce que je reproche le plus au film. Moi. Mais c'est vrai que c'est du coup la grande complexité, c'est qu'effectivement, tu es dans le point de vue de la première personne qui est difficile à restituer au cinéma. Il y a une. Je crois que c'est la dernière scène de sexe. Oui, parce que l'eau, c'est une scène de fessée. mais la dernière scène de sexe, bon, ils sont dans la salle de jeu. Hein, alors, la salle de jeu. Sans Xbox. Voilà. En fait, vous prenez la salle sans Xbox, avec tout le mobilier d'Hannibal Lecter, mais sans Hannibal Lecter. Sans les couteaux aussi. Sans les couteaux. Et une petite plaque de cuisson. Ah, je ne sais pas si c'est pas des lames. Hein. Ah, peut-être. En tout cas, il y a des martinets. Et l'une des dernières sexes, c'est une sexe... C'est une dernière... Une des dernières scènes, c'est une scène où il lui fait l'amour. Voilà, il lui bande les yeux. Et du coup, on est comme c'est Anastasia qui raconte, on est, nous lecteurs, où on n'a pas l'image, on est dans une les scène sensations uniquement. Où on n'a que les sensations, où elle nous décrit les sensations. Et c'est une scène qui, à l'écrit, marche très très bien parce qu'effectivement, on est pris là-dedans, on n'a pas l'image, mais on a du coup 100% de ce qu'elle vit. Puisqu'elle nous le décrit, en fait. Elle nous écrit tout ce qu'elle ressent. Donc, la scène marche vraiment très bien à l'écrit et ne marche pas du tout à l'écran. Ben non, parce qu'on voit. Ben on voit et puis, en même temps, c'est mal monté. Du coup, on ne sent pas ce qu'elle ressent. On sent, en fait, en plus, à ce moment-là, on se dit, bon, ça y est, elle est prête, le Martinet, ça lui a plu, c'est bon, c'est une formalité, elle va le signer ce contrat. Et l'autre derrière, elle lui dit, bah non, mais finalement, il n'y a pas de contrat, c'est caduc, ça ne sert à rien. Elle dit, ouais, mais vas-y, montre-moi combien ça fait mal, je veux être sûr, etc. Et puis, il lui fait mal, et puis, elle n'a plus envie de rester. Et il y aura un 2 après. Voilà, j'ai tout raconté la suite. Est-ce que je peux faire quelque chose que nous n'avons pas fait, c'est lire la première et la dernière phrase? Oui, c'est vrai, tiens, vas-y. Première phrase, je grimace dans le miroir, exaspéré. C'est pas très, très pornographique. Et la dernière, je me roule en boule, désespérément agrippé au ballon dégonflé et au mouchoir de Taylor, et je m'abandonne à mon chagrin. Ça fait pas film de cul. Non. Mais dans les faits, c'est ça, c'est que c'est pas ça parle de cul et il y a ce qu'il faut dedans, il y a des moments très drôles. Oui. Mais voilà, les scènes sont vraiment top. Les scènes de sexe sont bien. Ça m'a donné plein d'idées, bibiches. On en parlera après l'émission. Tu veux qu'on... j'ai acheté un martinet, on recevra demain sur Amazon. Ah, c'est ça le fameux cadeau que tu as, oui, c'est ça. Colis que tu attendais. Tout à fait. Il est très petit, mais il est très puissant. Dire qu'il se recharge. Non, c'est que les 3G, rassurez-vous, c'est que les 3G. Enfin, 4G, il y a 4G sur celle-là. Mais du coup, je ne sais plus. Non, mais c'est vrai que quand j'entends les critiques que tu as fait au bouquin, moi j'aime bien quand ça prend le temps, et c'est vrai que là, il y a pas mal. Finalement, ils se font pas mal l'amour, mais enfin, ils baissent pas mal, parce que Christian lui dit, moi je fais pas l'amour, je baisse. Oui, c'est normal. C'est moins intime. Mais dans les faits, c'est bien amené, ça va assez vite. Et on n'est pas effectivement dans une espèce de démonstration, parce que ce qu'elle essaie de démontrer surtout, c'est comment est-ce que de ça, et c'est l'autre chose, moi je te disais l'allégorie du couple et compagnie, comment on fait des compromis, comment est-ce qu'on trouve un équilibre. Mais déjà, ne serait-ce que ça, c'est-à-dire que la fin, le constat, c'est est-ce qu'on peut vivre une relation, elle qui depuis le début veut plus, est-ce qu'on peut avoir plus quand on sait qu'on ne va pas satisfaire la personne avec qui on est, quand on sait que sexuellement, est-ce qu'il peut y avoir une vie de couple heureuse s'il n'y a pas de sexe? Et voilà, je trouve que malgré tout, derrière tout le côté, parce qu'il y a eu beaucoup de com' autour, parce que voilà, il y a eu des avant-premières avec des Chippendales et compagnie, donc forcément, ça a contribué à créer une espèce d'image autour de 50 nuances de Grey. C'est vraiment une histoire que moi, j'ai trouvé très intéressante, même si il y a une limite, mais qui en même temps souligne une qualité du bouquin. La grosse limite, et elle a été résumée dans l'extrait que j'ai lu. Je relis juste le passage rapidement, si je le retrouve. La visite de la salle de jeu ? Non, c'est la visite quand elle dit comment est-ce que tu réagis quand ton amant éventuel est sadomasochiste. Et elle dit pourquoi, comment, quand, avec qui je m'avance vers le lit, etc. Il y a deux explications parce qu'elle essaye de comprendre. C'est soit Christian Grey a été abandonné, donc du coup c'est son passé, le fait qu'il a été abandonné, il a vécu des choses qui l'ont marqué et donc du coup il devient sadomasochiste. Ou alors c'est le fait, mais c'est sans doute complémentaire, c'est que quand il a eu 15 ans, il est tombé sur une femme qui en a fait son soumis. Voilà, une femme plus âgée que lui. Et donc, la fin tourne un peu sur ça. C'est-à-dire, ah bah oui, mais alors c'est parce que tu as été victime d'une pédophile. Voilà. Lui, il a beau dire, mais non, mais en fait, non, moi, je n'ai pas vécu comme ça. Moi, je suis très bien. C'est moi, en fait. Moi, je suis comme ça. Elle cherche à comprendre pourquoi, comment, et forcément à expliquer. J'ai trouvé la fin très psychologisante. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve par la suite. Hein. Le Alors, côté très moralisateur d'Anastasia vis-à-vis de la femme qu'elle appelle Mrs. Robinson, qui a initié Christian. Got to see you, Mrs. Robinson. Oui, qui l'a initié. Le jugement, il va rester. Elle la déteste. C'est parce qu'elle est persuadée qu'elle a fait de Christian l'homme déchiré qu'il est aujourd'hui et que si elle ne l'avait pas rencontré, il ne serait pas devenu comme ça. Alors, il a clairement des blessures. Hein. Il a clairement, oui, il a des blessures. Mais bon, moi, j'ai lu les deux autres romans et j'en ai un souvenir un peu flou parce que je les ai lus il y a longtemps. Mais très clairement, ce n'est pas uniquement cette femme qui l'a perverti et fait de lui quelqu'un qui est un adepte du SM. Non, c'est juste qu'en fait, elle a répondu à un besoin qu'il avait à ce moment-là. Et Anastasia, elle a ce jugement moralisateur sur cette femme parce qu'effectivement, lui était mineur à l'époque. Et j'ai l'impression qu'elle ne voit pas la globalité. Elle reste sur son jugement. Mais du coup, c'est ce qui est très intéressant. Et effectivement, ce qui fait que ça ne marche pas dans le film, ça ne peut pas marcher dans le film. Parce que tu as effectivement besoin de ce point de vue d'Anastasia qui est tout à fait naturel. Et oui, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait comprendre qu'elle réagisse comme ça. C'est ça. Moi, je trouverais, enfin, je trouve que c'est intéressant de sortir de ça parce que voilà, enfin, ce qui m'intéresse, c'est de penser que oui, sadomasochiste, c'est pas forcément parce que tu as des troubles psychologiques, oui. Ce qui est quand même sous-entendu, que ça peut être, c'est juste un plaisir, une forme de sexualité très libérée. Même si je pense quand même que malgré tout, du plaisir, éprouver du plaisir en faisant du mal à l'autre, moi, c'est pas ma came. Mais à la limite, si les deux sont consentants, voilà, ça ne regarde que. En même temps, c'est extrêmement intéressant et ça montre, moi, je trouve la démarche qui est plutôt bonne, en tout cas dans le premier, c'est qu'effectivement, tu as le point de vue d'Anastasia, tu es pris par son point de vue. Et effectivement, son point de vue, il est empreint de ces interrogations-là. Et oui, l'auteur ne te fait pas sortir de ça. C'est-à-dire que même si Christian, il dit « Mais non, mais moi, moi je n'ai pas vécu comme de la pédophilie, Mrs. Robinson », elle reste dessus. Et heureusement qu'elle reste dessus parce qu'on est vraiment, du coup, dans l'écriture, dans cette espèce d'immersion du point de vue d'Anastasia. On reste dans sa tête tout le temps. On est vraiment dedans, on reste dans sa tête. Et c'est, c'est vraiment ce qui fait ce qui est intéressant, qui n'est pas intéressant, du coup, dans le livre, dans le film. Film qui est plutôt bien, plutôt bien réussi, les coupes sont plutôt bien faites, on restitue assez bien le bouquin. Je t'ai quand même entendu pas mal râler devant le film, ce qui est habituellement mon rôle devant une adaptation. Oui, parce qu'ils ont coupé des choses en fait, mais ils ont coupé mais c'est souvent lié à ça, c'est-à-dire qu'ils ont coupé des... À partir du moment donné où tu coupes les interrogations d'Anastasia, tu coupes nécessairement le canal qui te permet toi-même, en tant que lecteur et du coup en tant que spectateur, qui permet de t'interroger, d'être dans la découverte. On est purement dans du voyeurisme, c'est-à-dire qu'on est effectivement... on voit des poils, on voit des seins, on voit des fesses. Oui, on voit même la naissance d'une verge. Oh mon Dieu, donc, c'est chaud. Voilà. Mais on est effectivement dans du voyeurisme, alors qu'au final, dans le bouquin, on n'est pas dans du voyeurisme, parce qu'au final, moi, on m'a dit, le film est quand même beaucoup plus soft que le bouquin. Ouais, bon, le bouquin, il n'est pas non plus hardcore. Voilà, c'est quand même pas mal de sexe, ou alors. Une vie sexuelle, ma chérie, qui est très, très développée. mais voilà, on n'est pas... oui, il y a du martinet, oui, il y a de la fessée. Mais qui ne fait pas ça chez soi? voilà, oui, si c'est... Mais l'essentiel est là, en fait. Mais c'est juste qu'effectivement, comme tu n'as pas le point de vue d'Anastasia, du coup, il retire certaines scènes, certains passages qui sont extrêmement importants, parce qu'ils font justement partie de... de l'ordre de la négociation, de l'ordre de la compréhension, de l'ordre de comment est-ce qu'elle, elle vit les choses et que tu ne peux pas avoir. Et du coup, c'est ça un peu qui est dommage, c'est que même dans le film, ils ont retiré des petites scènes qui, parce qu'effectivement, c'est toujours très compliqué, par moments, c'est un peu artificiel dans les films d'avoir le point de vue d'une seule et même personne, mais tu avais quand même ces petits passages-là qui te permettaient de moins amener une petite réflexion, mais que tu n'as pas. Et je trouve que le film est désincarné par rapport au bouquin qui, lui, est bien incarné. Après, cette démarche psychologique, quand on a regardé le film, ça m'a donné envie de lire la suite. J'ai lu la première page du deuxième tome et je l'ai refermé en disant « je ne lirai pas » parce qu'on revient sur l'enfance de Christian Grey. Après, c'est un passage très bref qui est en prologue du roman. Oui, mais c'est marqueur du fait qu'on va continuer à explorer. Ce que moi, je n'ai pas envie de savoir, en fait. Moi, je n'ai pas envie de savoir pourquoi ça ne m'intéresse mais pas. Dans ce cas... Pourquoi est-ce que ça ne t'intéresse pas de savoir qu'on va explorer un petit peu son passé? Mais par contre, quand je te dis qu'elle a écrit deux volumes où c'est le point de vue de Christian, ça t'intéresse? C'est le point de vue sur le tome 1 qui m'intéresse. C'est d'accord. Comment est-ce que lui, il voit les choses? Comment est-ce qu'il vit les choses? Comment est-ce que... lui, il fait des efforts. Elle ne les voit pas. Nous, on les voit en tant que lecteurs. On voit qu'il fait quand même des efforts. Oui, j'aimerais en fait voir comment, exactement comme toi, tu l'as fait dans la première émission quand on a parlé de Twilight. Ce qui moi, m'intéresse, effectivement, c'est son point de vue sur comment est-ce que on a vu comment elle voyait... Comment lui envisage la relation et comment il envisage et surtout, comment est-ce qu'il la voit, elle. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il est plutôt... On a un jugement... On en a discuté avec d'autres personnes. Moi, j'en ai discuté un petit peu avec d'autres personnes. Oui, Anastasia, au sortir, elle n'a pas le beau rôle. C'est une oie blanche. Elle est naïve à un point. C'est pas possible qu'au 21e siècle, une fille soit aussi naïve à 21 ans. C'est ce qui gangrène aussi un petit peu le film. C'est-à-dire que, comme dans le bouquin, quand même, on ressort quand même un petit peu avec de la sympathie pour Christian. Parce que lui, on voit qu'il évolue. Alors qu'elle, elle a évolué, mais comme on est dans sa tête, on le voit pas forcément. Dans le film... c'est plutôt Christian qui est le personnage populaire. Donc, je trouve qu'on voit trop Christian. Même ça, en fait. C'est-à-dire que... Bah, c'est sûr que si dans du bouquin, tu enlèves toutes les scènes, tous les passages où on est dans la tête d'Anastasia, bah, il reste beaucoup moins d'Anastasia. Mais il y a même des choses toutes bêtes. C'est-à-dire que une partie de la narration, une partie de la rédaction du bouquin, qui est très amusante d'ailleurs, c'est qu'ils s'échangent des mails. Oui. Ça m'a rappelé quelques souvenirs, bébé. Ils s'échangent des mails, où effectivement, en plus, elle-même est différente, lui aussi est différent de ce qu'ils sont dans la vraie vie. Oui, parce que par écrit, c'est toujours différent. Et dans le film, dans le bouquin, les mails, on les voit que de son côté. On la voit attendre les messages de Christian, etc. Dans le film, on voit Anastasia qui envoie des SMS, c'est plutôt les SMS. On voit Christian qui répond. Et puis à chaque fois, on a des plans. On voit trop Christian dans le film. Et c'est ça aussi qui, moi, me pose un peu problème du coup dans le film et qui me donnerait envie de voir la version de Christian Grey. Mais dis-toi que c'est un film qui est fait pour les filles. Rappelle-toi les diffusions pour la Saint-Valentin avec les Chippendales. Oui, ça, je suis d'accord. C'est uniquement fait pour les filles. Si tu montes pas le beau mec à l'écran, les filles, elles vont être déçues. Oui, mais moi, du coup, je rattache ça par rapport au livre. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, dans le livre, moi, j'ai besoin de savoir ce que ne dit pas le film. Ce que j'ai besoin de savoir, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ce que lui, Christian, voit Anastasia. Quel est le jugement qu'il porte sur elle? Est-ce qu'il trouve que c'est une pimbèche? Est-ce qu'il trouve que c'est une sainte nitouche? Comment est-ce qu'il tombe? Parce qu'il est amoureux d'elle, très clairement. Comment est-ce qu'il ressent? Oui, tu fais pas les concessions qu'il fait dans une relation si t'as pas des sentiments pour la personne. Et exactement comme tu le disais, parce que il y a un peu le parallèle qui est fait d'ailleurs à un moment donné. Je pense qu'au tout début, Christian, c'est un peu le vampire. C'est un peu le monstre. Oui, alors, si vous ne le saviez pas, en fait, cette histoire, à la base, c'était une fanfiction de Twilight. Oui. Elle l'a écrit parce qu'elle était fan de Twilight et parce qu'elle a fantasmé, elle a mis sur papier, en fait, un mélange de ce qu'elle fantasmait sur les vampires et de ce qu'elle fantasmait sur sa vie à elle. Et elle a fait un mix. Et c'était une fanfiction de Twilight avec, décidément, on est dans la thématique Twilight, on a déjà parlé, avec en personnages principaux Bella Swan et Edward Cullen. C'est juste que quand c'est passé de fanfiction à roman, elle a changé les noms et elle s'est éloignée du domaine vampire. Mais du coup, c'est ça aussi qui est intéressant pour moi, c'est que tu l'avais dit dans l'émission avec le point de vue du vampire dans Twilight, Edward. Je ne sais pas encore toutes les références. Je ne lirai pas, Bibi. Mais non, t'inquiète pas. Ce qui était intéressant, c'était de voir, par exemple, comment lui résiste. Et du coup, c'est ça aussi, c'est comment est-ce que lui, il vit, par exemple, ses scènes de sexe. Quand tu lui fais l'amour, l'amour vanille, comme il le dit, c'est tellement bien trouvé, vanille. Ça a du goût, mais finalement, c'est un peu vanille. C'est un peu quoi. Fade. Quand il lui fait l'amour vanille, est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas envie d'être violent? Est-ce qu'il ne se dit pas, bah là, je vais lui mettre un petit coup Ah bah, moi, très clairement, j'ai découvert ce soir qu'il y avait deux romans. Tu vas les commander. Je vais les commander. Tu vas aller à l'Arbre Généreux à Soissons. Oui, tout à fait. Je vais aller chez mon libraire préféré. Je vais lui commander les deux bouquins. Donc voilà. Donc oui, pour le coup, moi, je n'irai pas lire la suite parce que j'ai justement un peu peur, parce que ce n'est pas l'histoire qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire des deux, du contraste, comment ils se rapprochent et de la découverte. Alors, si je peux me permettre, j'ai lu les trois. Le meilleur, c'est le premier. Oui, mais c'est tout le temps le cas, sauf tout le temps le cas. Parce que la suite, elle m'a laissé un peu sur ma faim. Et j'ai lu le premier très, très rapidement. Les deux autres, ça a été un peu plus long. Et dans le dernier, il y a des choses très attendues et qu'on voit venir à des kilomètres. Bon, après, là, ça m'a donné envie de les relire. Parce que c'est vrai que le bouquin, je l'ai lu une seule fois. Et il y a un petit moment. Et ça oui, elle fait partie de ces personnes qu'il faut qu'ils lisent les bouquins plusieurs fois. Oui, oui. Moi, j'aime bien retrouver les bouquins. C'est comme un doudou. Alors que moi, c'est fini. J'en veux plus de ce livre. Rends-moi mon 50 nuances de Grey, là. Va par terre, femme. Ramasse-le. Donc ça, c'était nos critiques du challenge du mois de février. On a regardé si vous nous aviez envoyé des recommandations de livres érotiques, mais malheureusement personne ne lit de livres érotiques dans nos auditeurs. Voilà. Ou alors vous n'avez pas osé, on n'aurait pas forcément cité votre nom si vous souhaitiez rester anonyme. Oui, c'est vrai. Mais donc du on coup on pense à toi, Léa. Parfaitement, parce que je sais très bien que tu en as lu. Mais du coup, est-ce que tu as des conseils de lecture de livres érotiques? Oui, alors moi, j'en ai lu plusieurs. Y a forcément 50 nuances de Grey, mais j'en ai deux qui me sont revenus comme ça, vite fait, qui sont... Je vais pas faire... Mon Dieu, mais cette femme ne prépare pas ses émissions. Mais si. Je t'avais dit préparer. Alors, c'est... Non, je Il y en a un... Ceux qui ont lu 50 nuances de Grey. À chaque fois, je veux dire Grey's Anatomy, c'est terrible. Auront la référence. Il y en a un, c'est une série... je vais appeler ça de la bitlite. De quoi ? De la bitlit. C'est... Ah, B-E-A-T. Non, B-I-T. D'accord, ok. Mais la bite lit. C'est dans toute la thématique créatures fantastiques, vampires, loups-garous, tout ça. Il y a toute une littérature là-dessus. Et j'ai lu une série dont le personnage principal s'appelle Georgina Kincaid. C'est une série de Richelle Mead. Et le personnage principal est une succube. Et il y a pas mal... Une succube. C'est un démon qui se nourrit de l'essence de vie des hommes en leur faisant l'amour. C'est-à-dire que quand elle leur fait l'amour, elle aspire leur vie pour s'en nourrir elle-même. Une montre religieuse vampire, quoi. Oui, si on veut, sauf qu'elle ne les bouffe pas à la fin. Non, mais alors elle retire la diminue, vie. Elle diminue leur durée de vie parce qu'elle leur prend un peu d'énergie de vie, mais voilà. Bon, après, on ne va pas rentrer dans, dans toute l'histoire de cette série, mais c'est un personnage que j'avais trouvé intéressant parce que pour le coup, une succube, ce n'est pas un personnage courant. J'étais curieuse. En plus, elle est libraire, donc j'aimais bien ce petit côté-là en plus. Les libraires sont cochons. Elle qui tombe amoureuse d'un auteur, enfin, elle a un auteur dont elle est absolument amoureuse des bouquins et elle va le rencontrer en vrai et il ne correspond pas du tout à ce qu'elle imaginait. Et elle va construire au départ, alors j'ai lu que les trois premiers tomes, mais elle va construire une relation. Et c'est toute la problématique de comment avoir une relation quand tu es succube et que tu ne peux pas faire l'amour avec ton petit ami. Et bon, la série est intéressante, il y a plein de scènes de sexe qui sont beau dans le style de 50 nuances de Grey, pas au niveau du SM, mais au niveau de la manière dont c'est décrit. Ça reste bien écrit et j'avais bien aimé, je m'étais toujours dit que j'achèterais la suite, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Et je vais... Donc les titres, c'est quoi ? Donc la série, elle s'appelle Georgina Kincaid et ça s'appelle Succubus Blues, Succubus Night, ça commence toujours par Succubus quelque chose. Et il y a une autre série qui s'appelle Kushiel. Alors, je ne sais pas du tout si je le prononce bien. C'est K-U-S-H-I-E-L. C'est de la fantasy. L'auteur, c'est Jacqueline Carré. Oui. Trois volumes. Elle est un peu ronde. Non, elle est un peu carrée. C'est par contre trois très gros volumes qui font plus de 1000 pages chacun. Et là, on est plus dans le SM, effectivement, puisque c'est de la fantaisie, donc ça ne se passe pas dans un monde réel. Et c'est une femme qui éprouve le plaisir dans la souffrance. Un chat qui est rentré dans les... Alors, chers auditeurs, si vous cherchez à avoir des chats, on est prêt à les vendre. On non en a trois. Alors, on vous les vend. Il y en a un, on vous vend au kilo. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle fait n'importe quoi ce soir. Donc, cette série, c'est de la fantasy. Et donc, c'est une femme qui... C'est dans le descriptif sur la quatrième de couverture. C'est une femme qui n'éprouve du plaisir que dans la souffrance. Donc, elle est très clairement masochiste. Et elle vit plein d'aventures. Et c'est... Alors, une fois qu'on a passé, on va dire, le premier tiers du premier bouquin, qui est une purge parce que c'est très, très long et que... ils sont en train d'installer le monde, la religion, les croyances et tout le bazar. Ça, c'est très, très long. Mais une fois qu'on est rentré dedans, la suite, elle est géniale. Elle est vraiment très, très bien. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et par contre, ouais, c'est très hardcore par moment au niveau du SM. Il faut parfois un peu s'accrocher. Il y a des scènes un peu dégueulasses, surtout dans le troisième tome. Donc ça, c'est Kushiel. Kushiel. D'accord. Alors, figure-toi que moi aussi, Bibiche, j'ai quelques petites recherches. J'ai un petit conseil lecture. Alors, c'est pas vraiment un roman érotique, même si j'en garde des souvenirs érotiques. Et en tout cas, deux chapitres un peu érotiques. C'est un roman en auto-publication qui s'appelle Nora, qui est publié chez TheBookEdition.com, qui vaut 10,90€ TTC, donc que vous pouvez acheter en ligne. Je vous recommande de l'acheter. Oui, achetez-le, s'il vous plaît. Voilà, ça fait rentrer... C'est un très bon roman. Ça fait rentrer de l'argent dans le foyer, on paye des impôts, c'est génial. Puisque c'est toi qui l'as écrit, Bibiche. Oui. Voilà, alors c'est un roman qui est une petite histoire. Hein. On s'est marié avec nos alliances sur ce roman. Oui. Voilà, puisque c'est par ce roman-là que j'ai compris qu'il y avait moyen de moyenner. Oui, parce que ce roman, c'était le fantasme de notre rencontre avant notre rencontre. C'est ça, puisque tu entendais ma voix suave à la radio, enfin dans tes oreilles, oui. En parlant de Formule 1. Et donc, du coup, c'est un roman qui s'appelle Nora, c'est ton premier roman. Oui. En tout cas, le premier publié. Le premier. Le premier. On on n'oublie jamais le premier. Et bah voilà, du coup, effectivement, moi j'avais été marqué par le chapitre 13. parce que le chapitre 13, il y a eu une petite scène un petit peu sexuelle. Après, il y a eu le chapitre 20 aussi. Je me suis dit, ah tiens, c'était bien. Il y a une petite tête. Voilà. Et c'est. Alors, je te le dis, je te fais la critique. Hein, alors, bon, je dois te dire, il y a des petites longueurs, il y a des petites. Non, je déconne. Ouais, non, tu l'as pas relu depuis au moins 6 ans. Non, j'avais peur de. En fait, je l'ai lu, je suis tombé amoureux de toi. J'ai peur qu'en le relisant, je sois déçu et du coup, je perde tout l'amour que je te porte. Donc, je me sacrifie, en fait, en ne le relisant pas, ma chérie. Sache-le. Bon, tant que tu. Je sais pas si je m'en tant sors que bien, tu mais... en fais la publicité autour de toi, ça ne me dérange pas. Bah, j'en fais la publicité auprès de nos auditeurs. Et donc, du coup, je trouvais aussi intéressant parce que dans l'histoire aussi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce roman-là? C'est un petit peu en lien avec. C'est en lien avec ce dont on a parlé ce soir, parce que ce roman, je l'ai écrit en réaction à ma lecture de 50 nuances de Grey. Parce que je me souviens avoir eu une discussion. Sur internet, sur le fait que les romans comme 50 nuances de Grey, les romans érotiques, les romans harlequins, les romans, tout ce qui est romance, souvent c'est dans un monde où l'argent coule à flot, où les filles elles sont éblouies par le mec qui est beau, qui est riche, il a tout pour lui. Et je me disais, non mais à un moment donné, ça donne l'image que les femmes elles sont vénales, qu'elles ne peuvent s'épanouir sexuellement que dans une relation où le mec il a forcément de l'argent. Et ça m'agaçait. Et je me souviens. Alors là, le héros, il n'a pas l'argent. Je crois que c'était avec Léa que j'avais dû avoir un échange de ce genre. Et où j'avais sorti du. Mais oui, mais on peut très bien avoir une histoire de sexe qui est hyper épanouie et hyper stimulante. Et que quand tu le lis, ça t'émoustille et tout. Même si le héros, il n'est pas hyper friqué. Même s'il n'est pas. Enfin, ça peut être monsieur et madame, tout le monde. Et j'ai voulu prouver qu'on pouvait le faire. Et c'est parti de là. Alors, juste lire deux extraits. Un extrait du chapitre 13, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup comment il est écrit. Savourant le plaisir qu'elle sent naître sous ses doigts, Nora intensifie encore ses caresses, l'amène au bord de la jouissance. Le jeune homme presse sa bouche contre la sienne, l'embrasse passionnément. Un râle étouffé se perd dans sa gorge, tandis que son corps se contracte, qu'il laisse s'écouler son plaisir. Oui, j'aime beaucoup cet extrait parce que j'aime beaucoup comment tu évoques la jouissance. On est au bord de la jouissance, puis à un moment donné, hop, on va ailleurs, on va sur la bouche. Et après, c'est tout le corps qui jouit. Voilà, j'aime beaucoup, en fait, quand merci. Tout le corps jouit. Voilà. Oui, et puis, mais c'est quelque chose que tu connais. Oh, ça sera coupé au montage. C'est trop hard, quoi. Il y a ma mère qui écoute, je te rappelle. Oui, bah, ta mère a lu Nora. Hein. Ah, c'est sale. Et alors, il y avait un autre extrait. Chapitre 20. Chapitre 20, mais je cherche, en fait, du coup. Oui, ça, c'est quand, ouais, c'est quand elle se réveille. C'est le début du chapitre 20. Ses doigts partent à la découverte de son intimité, de la chaude humidité. Tournent autour du point sensible, les fleurs. Il la sent qui se crispe sous ses caresses. Une langue de feu remonte dans ses reins. Il se presse plus fort contre elle, encore plus fort, toujours plus fort. D'un mouvement du bassin, il s'insinue entre ses cuisses, se frotte voluptueusement contre elle. L'excitation est à son comble, une main sur ses seins qu'il caresse alternativement, l'autre sur son ventre, pressé sur elle, dans un mouvement de plus en plus rapide. Les mains de Nora s'agrippent à lui, son souffle précipité, erratique, contre sa bouche. Son corps pris de tremblement contre le sien. Il la devine au bord de la jouissance. Il se frotte plus fort contre elle, s'imagine en elle. Le sang se fait lave dans ses veines. Et soudain, il sent le plaisir de Nora exploser sous ses doigts. Un long gémissement qu'elle s'efforce de retenir, ses cuisses serrées convulsivement sur lui, et il bascule à son tour, emporté par une intense vague de jouissance, son plaisir sur elle se mêlant au sien, dans un râle qui l'étouffe dans son cou. C'est un auteur qui écrit très bien, je trouve. Voilà. C'est très bien imagé. Tu n'es pas neutre. moi non plus, vous me direz. Non mais voilà, c'était pour vous partager un peu cet extrait, parce que bah, voilà, effectivement, c'est bien écrit. Ces scènes-là sont bien écrites et c'est pour vous donner un extrait. Je n'ai pas lu beaucoup d'extraits dans Grey's Anatomy. 50 nuances de Grey. Ça va finir par rentrer au moment où j'en aurai plus besoin. Dans 50 nuances de Grey, les scènes sont bien écrites et c'est effectivement un peu dans cette tendance-là, dans cette ligne-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça met du beurre dans les épinards. Jusqu'à présent, ça n'a pas mis grand-chose dans les épinards. Non, jusqu'à présent, tu as acheté plus de livres pour les vendre que tu en as vendu. Donc voilà, on les liquide. Voilà, mais voilà. On a un petit stock à la maison à liquider. Je dis énormément, voilà, ce sera d'ailleurs sans doute un sujet d'émission un jour. Les tocs de langage. Oui, voilà. Mais du coup, vous aurez le lien en note du podcast pour ce moment d'auto-promo qui a été très long, mais très bon. Du coup, Bibiche, on a fini avec les trucs un peu dégueulasses. Oh, c'était pas si dégueulasse que ça. Le tien, c'était dégueulasse. j'ai même pas envie de toucher, là. Il faut que tu le... Celui-là ? Ouais, j'ai pas envie. On est le 27 février, demain c'est le 28, et lundi c'est le 1er mars. Et quel est le thème du 1er mars que l'on va partager avec nos auditeurs qui, rappelons-le si vous le souhaitez, en note du podcast, vous avez un petit lien vers le formulaire qui vous permettra de nous faire des propositions. Oui, s'il vous plaît, faites des propositions, parce que sur le thème du mois prochain, moi j'ai pas beaucoup d'autres bouquins à citer que celui que je vais lire. C'est pas vrai, t'en as acheté 4. Non, j'en ai acheté 3, le quatrième si tu l'as pris pour toi. Et donc, le thème du mois de mars, c'est un roman de guerre. Vous verrez tout de suite le lien, Mars, la guerre. Voilà. Ah, c'est ça ? Bah, Fais l'innocent, c'est toi qui as choisi le thème. C'est vrai. Donc ça, c'est le mois prochain ? Oui. À ton tour de souffrir, bébé. Ah oui, un roman de guerre, je sens que ça va être difficile pour moi. Du coup, je risque moi de souffrir et puis toi de passer un bon moment. Oui, donc, mais alors le truc, c'est que j'ai acheté 3 bouquins parce que je ne sais pas s'ils vont réellement parler de guerre. Et donc, il y a des chances pour que je lise les 3 pour savoir lequel des 3 correspond le mieux. En tout cas, ça sera un petit changement d'ambiance. Ah voilà. Oui, très clairement. Ce sera peut-être encore une émission explicite hein, sur toutes les plateformes où on est partagé, hein, c'est-à-dire sur PodCloud, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, si vous écoutez les podcasts par tu Apple Podcast. Tu l'as pas déjà dit ? Non, pas sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, excuse-moi. Ah oui, Podcast Addict, c'est bien. J'aime bien quand tu me corriges, femme. Vous pouvez appelle-moi évidemment. Maîtresse. Oui, maîtresse femme, maîtresse bibiche, maîtresse biche. Ah, puisqu'on est sur l'érotisme, sur le thème érotique, c'est pas un bouquin, mais on est en train de regarder une série sur Netflix qui est tout à fait dans le thème. Oui, bon dingue. Sur Netflix, c'est bonding. Pourquoi je fais l'accent ? Cet accent ! Non, Michel Leb, sort de ce corps. Non, mais pas par là. Mais oui, Bonding sur qui parle effectivement du sadomasochisme sur Netflix. Bah, plus que du sadomasochisme, c'est plutôt la domination et la soumission. C'est ça. Je trouve que le terme correspond plus à ce que c'est. Oui, c'est professionnel. C'est pas pour le plaisir. Elle, oui, c'est professionnel. Oui, c'est vrai que Carter, c'est un peu le plaisir. Docteur Carter ? J'ai envie de voir l'urgence. Voilà, c'était l'émission particulièrement longue. Oui, en même temps, le sujet s'y prêtait. Alors qu'on n'avait pas grand-chose à dire sur le premier bouquin. Bah, le premier bouquin, on l'a fait en 5 minutes. En 25 minutes. Une fois qu'on aura coupé tous les voilà, tous les blancs, les et épisodes tous les avec chats. Les chats. On va effectivement couper les chats. On commencera. Bah non, il y en a un qui a déjà été coupé. Hein, mon camo. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Écoute, tu te débrouilles, Fab. Tu fermes l'émission. Voilà, je te laisse les clés. Tu fermes. Bah, il faut que je dise. Dans ce cas, je vais te demander de dire le mot de fin cette fois-ci. Ah, merde. Non. Oh, bah oui, merde, allons-y. Profitons-en, cette émission est explicite. Merde.